Nos aides l'oiseau, symbole du langage divin. La main droite représente l'aide de l'invisible. Les âmes qui ont réussi l'évolution au fil des temps, aident à nouveau les humains dans l'invisible, ou dans le physique pour remettre en place, les traditions divines sur Terre. L'homme divin a laissé des traces de ce savoir, pour être constamment en contact avec son âme de façon à être relié avec les deux mystères tertiels. En Égypte, en Inde ou ailleurs, les architectures sont leurs témoignages. L'homme actuel ne vit que dans la destruction et le virtuel. La vision de notre monde est le reflet de l'homme inexistant et sans âme, de l'homme virtuel, d'un hologramme dans l'espace. L'homme s'est créé des besoins dont il n'a pas besoin. Quand donc va-t-il prendre conscience de son involution? Le résultat est là devant ses yeux. À chaque jour qui passe, la société est le reflet de ce que l'homme est. Si l'on veut changer cette société de destruction de l'individu, il faut se changer soi-même. Sans cela, rien ne se fera. Il suffit de vouloir aller vers la compréhension du tout pour retrouver la paix en soi, et ne plus être dans les émotions qui détruisent. Il faut faire une place à l'expression de son âme, le véhicule de l'esprit, l'essence de la volonté divine dans l'harmonie des sons, c'est elle qui nous met dans les émotions de plénitude, et qui est la véritable signification de la joie. Il est possible de se mettre dans notre son et dans le ton. Il est encore temps. Il faut le vouloir. L'exaltation et l'excès de rire, sont un excès de joie qui disperse l'esprit, et fait perdre les racines de la réalité. La nature en nous, sont inscrites les mémoires de tous les autres règnes qui existent sur Terre. Notre corps physique représente les mystères de la Terre, et notre âme les mystères de l'univers céleste. Tout est en relation et en interréaction. Tout va bien dans l'échange lorsque, l'on est archétype lumière sur Terre. Les sons sont émis, l'échange aussi. Nos défauts et notre façon de vivre actuelle mettent en grand danger notre planète. Pourquoi? Parce que l'homme n'émet plus le véritable son. Il n'est plus en relation avec ce qui l'entoure et avec l'espace. À chaque cellule de son corps correspond une plante, un animal ou un minéral. Celle de son âme correspond à des planètes, des étoiles, des galaxies. Nous recevons la nourriture de l'espace par les sons. Nous la transmettons autour de nous et nous élevons les sons de la Terre vers l'espace que nous nourrissons. Si la nourriture est déséquilibrée, et que l'être n'utilise pas adéquatement les sons et les éléments, il verra apparaître des perturbations dans ses cellules. Nous sommes responsables de ce qui se passe sur notre planète. Par notre mal-être, nous vampirisons et affaiblissons ce qui nous entoure. Lorsque le retour céleste ne répond pas, c'est parce qu'il n'a pas reçu de demande. Conséquence, plusieurs espèces d'animaux et de plantes disparaissent car elles ne reçoivent plus leur nourriture terrestre pour leur corps matière et céleste. Génocide de l'humanité. Un véritable génocide est en marche. Il est le fruit d'un agir par conscience, par ignorance ou pour gagner plus d'argent. Quand les gens ont peur, on peut les manipuler plus facilement. Il est donc plus aisé d'accroître son pouvoir sur les gens déjà affaiblis par la maladie et la peur, sans compter que l'on peut gagner beaucoup d'argent avec les médicaments. Les conséquences des cultures dénaturées le verbe, est touché et l'homme ne peut plus l'utiliser parce qu'il est bloqué. À cet égard, beaucoup de problèmes de thyroïde se manifestent en ce moment, ainsi que des cas de stérilité féminine et masculine, d'impuissance masculine, d'avortement, de malformation à la naissance, etc. La vibration du chakra laryngé se trouve ralentie jusqu'à son blocage entraînant toute une série de pathologies induites. Le laryngé est lié au chakra sexuel. Les maladies porteront sur le bas ou le haut du corps, selon le potentiel planétaire des personnes. L'une des causes de la croissance des maladies, est la nourriture polluée par les pesticides dans les cultures des fruits et des légumes. L'autre cause est la pollution de notre air et de notre eau. Mon expérience lors d'une visite dans une serre de haricots verts dans un pays producteur, me permet d'affirmer que les pesticides sont destructeurs du verbe, chakra laryngé, véhicule du son sacré, parole. Dès que je suis entré sur le terrain où des haricots verts, sont cultivés avec des pesticides, ma gorge, ainsi que celle de mes amis, s'est mise à brûler. Cette brûlure s'est reportée sur les poumons, alors que les personnes qui travaillent dans ce lieu n'ont pas de réaction. Nous nous sommes soignés immédiatement avec de la vitamine C, du thé à la menthe et des bains dans l'océan, pour l'iode. Je sais, par différents amis médecins, que des agriculteurs utilisant les pesticides souffrent actuellement d'un cancer de l'oreille et de la gorge. Ils ont engendré des enfants avec des malformations importantes. Beaucoup de cas de surdité infantile ont été dénombrés. Notons que les oreilles sont reliées au chakra laryngé. Ces façons de cultiver sont mortelles pour l'être. Il va de soi que bon nombre de nouvelles maladies vont apparaître. L'homme perdra son âme puisqu'elle n'aura plus d'énergie pour nourrir son véhicule. Il vampirisera les plantes et les affaiblira. Les maladies ne pourront être soignées. Les médecins disent que l'homme actuel vit plus longtemps. Il faut dire que les retraités actuels ont ingurgité une nourriture sans pesticides dans leur jeunesse. Quelle sera la longévité des enfants aux prises avec les pesticides, les OGM et la malbouffe? C'est l'ère des zombies que les financiers nous préparent. Le seul médicament qui pourra sauver les plantes et l'homme, sera l'homme archétype. Il est encore temps d'agir puisque nous pouvons agir à tout moment. Quand allons-nous décider de travailler pour les forces constructrices qui nous apportent joie, amour, force et plénitude? Nous attendons peut-être le dernier moment, la destruction de notre terre nourricière, qui ne demande pas mieux que de nous donner autant que nous le désirons, à condition de rester dans le rythme des lois cosmiques. Qu'attendons-nous pour que la Terre devienne un paradis? Le laryngé d'où sort le verbe créateur de la matière, est bloqué par toute cette nourriture dénaturée. Si ce verbe est bloqué, l'accélération de l'ouverture du bémeuil, et du coronal est aussi bloquée. L'union de Vénus, féminin, chakra sexuel et de Mars, masculin, chakra laryngé ne pourra se faire par l'humanité. C'est le mariage alchimique qui est nécessaire pour la fécondation des puissances célestes. Si le bas, Vénus, est bloqué, les racines ne pousseront pas pour s'ancrer sur Terre, le ciel et la Terre nourrissent les racines. Le haut, Mars, ne laissera pas les énergies Terre passer dans la tête, et rejoindre les racines du ciel. Lors de l'arrivée des énergies christiques, si les énergies ne peuvent aller vers le bas et remonter vers le haut, elles seront bloquées. Bloquées, soit dans la tête et les gens deviendront fous, soit dans le bas et les gens auront le sida. Donc, l'évolution pour devenir un homme créateur, est compromise par la volonté de ceux qui veulent, que l'homme reste un ignorant et un zombie, pour le manipuler à leur guise. Si le bas est bloqué, il y a stérilité et impuissance, puisque les énergies ne peuvent nourrir les racines. Les problèmes de thyroïde et de l'impuissance, correspondent à la planète Mars et au chakra laryngé. Ce dernier donne le mouvement de la projection en avant et permet, donc d'avancer de jour en jour. Tous ces problèmes peuvent se régler par la prise des énergies tertielles, qui pourront monter le taux vibratoire de la personne. Aucun médicament miracle ne fonctionne quel qu'il soit. Alors, mesdames et messieurs, qu'attendez-vous pour changer et mettre en priorité votre évolution? De surcroît, l'environnement sera respecté. L'illusion image momentanée, ou forme qui disparaîtra lors d'une prise de sang ou d'énergie. Tout est illusion, tout est forme qui peut se muter par une nouvelle énergie unifiée avec l'espace. C'est pour cette raison que l'on dit, que sur Terre tout est illusion. Son changement se fait à tout moment, par les menus venus de l'espace, suivant la demande terrestre. Le plexus solaire est notre centre terrestre. Le lever du soleil est la demande, c'est-à-dire la compréhension de son centre légala, l'unification du yin et du yang, notre mémoire qui est prête à recevoir d'autres mémoires. Les nouvelles mémoires arrivent en nous. Elles remontent à la périphérie de l'âme, et se mettent en appel pour recevoir d'autres mémoires de croissance. Seul l'accomplissement de ces mémoires journalières, permet la protection par un renforcement plus puissant, car le menu des jours est suivi. La ventilation, c'est-à-dire le mouvement, se fait par le centre. Le plexus solaire reçoit les énergies horizontales. Le cardiaque reçoit les énergies verticales et celles des quatre éléments. Il est important de ne pas avoir d'émotions destructrices, qui empêcheraient la mémorisation de nouvelles énergies. Cet état d'émotion sera amplifié par l'énergie céleste, et l'évolution sera bloquée. Ce qu'il y a de plus élevé dans l'ordre terrestre, doit être offert à la divinité par la pensée, c'est-à-dire s'élever. Et ma accent circonflexe athée avec le sein au-dessus de sa tête et le bélier. S'élever, pas par des sacrifices humains ou animaux, comme pour Abraham et son fils, le bélier est le symbole de l'action du feu de l'ordre cosmique sur Terre. Les divinités ne demandent jamais la mort physique mais la mort symbolique, le lâcher-prise qui permet de faire le don de soi. La foi et la prise de conscience. Là, nous pouvons dire que nous sommes amour. Par cet état d'être, nous sommes reliés en permanence. Ce qui est véritablement divin, ne se manifeste pas séparément de l'humain. L'humain est la racine de la divinité. Sa prise de conscience l'amènera à la clarté, car c'est là qu'il est enraciné solidement à l'ensemble de l'univers. Il est en constante abnégation intérieure, et s'y maintient sans se laisser égarer. Il reçoit selon sa demande, don de soi. C'est cela que l'on nomme l'abondance, la fortune ou la richesse. C'est cela, la richesse des Templiers. La vie de l'âme par sa propre puissance, elle résout tous les problèmes. Notre incarnation sur Terre, nous donne les outils que nous avons choisis au préalable pour faire grandir notre âme. Nous pouvons nous en servir tout au long de cette vie, pour mieux nous connaître et continuer sur le chemin de notre évolution, et nous faire comprendre le mécanisme de l'âme sur Terre. C'est cette leçon et rien d'autre que nous devons comprendre. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et quand tout est en harmonie, nous pouvons accélérer et ralentir sans difficulté ni blocage. Nos outils sont la famille, le travail, les relations et notre comportement avec les autres, qui nous font comprendre par les événements provoqués, suivant les énergies planétaires, le fonctionnement de l'être en relation avec le tout sur Terre, c'est l'école de la vie. Tous les événements qui arrivent dans notre vie familiale, ou au travail sont les conséquences de la réaction des énergies de l'univers en relation avec les énergies de notre univers intérieur. Si nous sommes en résonance avec l'univers, c'est là que se fait la mise en route de l'appel des événements. C'est notre comportement et la façon, dont nous allons les assumer dans la vie qui les provoque en destruction ou en construction. Le grand problème de notre civilisation, est que nous sommes attachés aux outils. Nos enfants ne nous appartiennent pas, et nous n'appartenons pas à nos enfants. Le véritable amour pour nos enfants ce n'est pas la possession, c'est être leur éducateur en toute simplicité. La possession quelle qu'elle soit, ne doit exister en aucune façon. C'est ce qui nous installe en permanence dans les émotions destructrices sans nous en rendre compte, et provoque cette avalanche d'événements destructeurs. Beaucoup de maladies sont le résultat de blocages survenus après des événements non compris et non assumés. Tout ceci nous fait perdre la foi en nous, parce que nous sommes coupés de la voix de notre âme qui nous guide en permanence. Les émotions font une brèche dans notre aura, et enlèvent une partie du filtre, qui permet d'atténuer la force des énergies absorbées. Par ces trous, passent trop rapidement les énergies et le blocage fait stagner ces énergies et la maladie se présente. C'est le même principe que le trou dans la couche d'ozone de notre planète. La maladie sert d'avertisseur pour indiquer que les énergies ne peuvent être échangées. C'est le blocage du mécanisme où se situe la maladie qui peut en faire connaître la cause. La maladie nous fait prendre conscience que nous n'avons pas encore assimilé et accepté les événements. Dépasser la maladie, c'est prendre conscience de la cause réelle et agir pour réparer la cause. Le monde des morts nous amène au monde des vivants dès que nous avons compris, c'est une initiation au passage à la vie. Cela répondrait à la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Dans cette civilisation, nous avons peur de la mort. Pourquoi? Puisque nous y passons tous, un jour, sachant cela, nous pouvons nous construire une vie plus agréable, alors. Point d'exclamation. Les Chinois enseignaient ceci, fais ta vie comme si tu allais mourir demain. Nous sommes sur Terre pour comprendre la vie et le fonctionnement de l'âme avec son échange dans le tout du programme des mémoires du ciel et de la Terre. C'est l'alignement des trois horloges, cosmique, âme humaine et terrestre qui fonctionnent simultanément. Notre société nous apprend beaucoup de choses, qui ne servent à rien si ce n'est qu'à nous maintenir dans notre mental, dans les illusions, la compétition, la peur du regard des autres, etc. À l'école, nous remplissons notre cerveau de connaissances stériles, qui ne servent ni à la croissance de notre âme, ni à la construction de notre futur céleste pour d'autres incarnations. Comme disent les Indiens, donnez-nous vos enfants, nous en ferons des hommes, alors que si nous vous donnons nos enfants, vous les désapprendrez. Nous devons faire comme Noé qui a construit son arche en dépit des railleries de ses voisins. Il a eu confiance en lui et en l'inconnu qui était la voix de Dieu. La construction de l'arche terminée, il a eu la compréhension du mécanisme de son âme, l'arche d'alliance. Par l'entrée des animaux en couple yin et yang, il a eu la compréhension qui a fait évoluer en lui le côté animal. Ayant la possession et la maîtrise du règne animal, il a pu utiliser leurs qualités. Son épouse, ses fils et leurs épouses sont ses qualités intérieures. Son épouse l'aide à retrouver sa sensibilité et son savoir ancestral pour agir sur la terre. Ses fils éveillent en lui sa personnalité. Par le mouvement, il retrouve les mémoires qui le relient au tout et trouve la paix intérieure. Leurs épouses lui permettent d'approfondir ses connaissances, et de devenir intègre pour œuvrer avec le cosmos. Son arche, âme, était prête à recevoir les énergies de l'eau qui correspondent à l'état de son âme. Il a pu survivre au déluge alors que ses voisins, qui l'ont jugé et se sont moqués de lui, ont sombré. Si, comme eux, nous sommes dans l'oisiveté, la mère de tous les vices, c'est que nous dormons profondément. Nous ne nous préparons pas à évoluer. Lors du déluge des énergies de la fin des temps, c'est-à-dire la fin d'un cycle de plusieurs millénaires, si les âmes ne sont pas prêtes, la cristallisation ne se fera pas d'une manière souple. Un durcissement interviendra et ce processus occasionnera une recrudescence des maladies et des virus. Cela sera causé par la baisse des fréquences de chaque individu. La maladie, c'est le ralentissement des vibrations. Le jugement envers les autres, le mécontentement, l'attente de quelque chose, être malheureux, tous ces malaises nous écartent de la joie et nous amènent la maladie. Ce sont des mots, non exprimés, ils ressemblent à des eaux stagnantes qui, au bout de quelque temps, vont pourrir s'il n'y a pas d'échange, de changement d'eau. Les lois de l'univers sont des lois parfaites, qui engendrent le fonctionnement du plan physique. Elles sont le résultat de l'application naturelle des lois naturelles. Toute vie physique fonctionne en accord avec les lois naturelles. Quand elles sont appliquées, elles sont maîtrisées. L'univers agit réellement sur tout ce qui vit sur Terre. Notre corps représente l'univers et ses cellules vibrent à l'unisson, et appliquent les lois de l'univers sur tout ce qui l'entoure. De là, l'importance que chaque personne soit unifiée et débarrassée de toute entrave au fonctionnement parfait. C'est le moyen le plus efficace pour retrouver la santé, la paix en soi et dans le monde. En nous, sont aussi inscrits les microbes et les virus. Chaque virus et microbe ont une fréquence vibratoire donnée. Les maladies correspondent au palier atteint par la baisse de sa fréquence, et l'arrivée à la fréquence d'un virus 10, ou d'un microbe destructeur, c'est lorsque nous ouvrons la porte à ces virus que la maladie apparaît. Les épidémies correspondent à une énergie reçue du cosmos par l'homme. Si dans ce laps de temps nos portes de la conscience ne sont pas ouvertes pour alchimiser ces énergies, notre fréquence baissera en proportion de cette force cosmique, et nous rejoindrons l'échelle des virus ou des microbes destructeurs. Suivant son comportement, assimile ou non ces énergies. Il ouvre ou non la porte à ses germes. Nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes sont touchées ou non par les épidémies. Lorsque nous recevons les énergies cosmiques, elles sont douces au départ et s'amplifient au fil des jours pour atteindre un sommet, et s'atténuer par la suite. Les épidémies suivent naturellement ce processus où elles atteignent un pic et redescendent. Ce ne sont pas les vaccins qui éradiquent les maladies. Les vaccins modernes abaissent le taux vibratoire des personnes et favorisent l'apparition d'autres maladies tout en réveillant l'état familial. Les maladies infantiles surviennent dans le processus naturel de la maturation de l'âme. Elles correspondent à l'acquisition d'une force venant de l'univers. Il ne faut surtout pas empêcher cette croissance en administrant aveuglément les vaccins actuels. Par contre, les plantes et les minéraux aident à assimiler ces mémoires. Ils vont mettre le virus ou le microbe dans la fréquence de l'âme pour réaccorder le corps, parce qu'ils sont énergie. Par exemple, la rougeole nettoie les toxines héritées du sang de la mère. Le corps est une horloge qui correspond à des dates, des heures et des données énergétiques transmises par des sons de l'univers en soi. Si nous lisons ces données de notre livre intérieur, nous pouvons comprendre que nous sommes un principe de vie qui peut changer à tout instant. Et, par relation, il change tout ce qui vit. Tout est évolutif et les maladies sont le reflet des notes qui ne réagissent plus avec celles de l'univers. Voilà pourquoi ces notes programment nos maladies. Celles-ci sont plus ou moins importantes pour que notre soi réagisse et nous donne la note de vie pour nous réaccorder. Le corps reflète nos défauts et nos qualités. Les défauts se manifestent toujours en maladie, car dans la faille, les énergies s'engouffrent, empêchent l'échange et font du blocage. Les qualités reçoivent la compréhension de la note de notre vie, ces connaissances sont enfouies en nous et font l'échange. Tous nos organes sont maîtres en nous. Si la conscience possède l'acuité de sa pensée évolutive, l'évolution de notre corps physique et notre âme permet que notre horloge interne corresponde aux notes de notre soi unie à l'univers. La maladie scelle en ténébrement, un manque de lumière divine, un cumul d'épreuves non réussies. Le fluide stagne alors qu'il devrait être dynamisé par les sons de l'univers, c'est-à-dire toujours en mouvement et en échange avec le cosmos. La douleur se joint au processus d'autres énergies, qui arrivent sur la stagnation et l'amplifient. Il faut s'efforcer de distribuer les énergies autour de soi. C'est le combat contre le « je me laisse aller ». Si nous sortons gagnants de la maladie, nous pouvons aider notre prochain par notre rayonnement, à partir de ce triomphe. Ce ne sont pas les piqûres de calmant qui vous feront passer et réussir l'épreuve. Elles ne feront que baisser votre fréquence vibratoire et tout sera à recommencer plus tard, quand les planètes seront là pour remettre en place les énergies suivantes. La santé c'est la vie, c'est le feu, c'est le rétablissement du sacré en nous. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons, erreur, souffrance, difficulté, illusion, bref, une vie totalement dépourvue de bon sens. L'homme est destructeur. Il est son propre prédateur. Tout ce que l'espace et la terre lui donnent est pris en totale opposition. Il réagit à l'envers. Cela ne peut être assimilé, puisque le corps est totalement désaccordé, comme un mauvais instrument de musique. Constamment, il émet des couacs. L'espoir dès aujourd'hui, l'homme peut vivre un grand retournement sur lui-même. Il peut se gouverner et se livrer à un immense changement, comme jamais il ne lui avait été proposé auparavant. Il peut prendre dès aujourd'hui le chemin vers l'avant. Il peut choisir une nouvelle conduite. Il peut faire le choix de l'infini et s'ouvrir à la vraie vie. Il a encore toutes ses chances de rattraper le temps perdu, celui qu'il a pris pour gaspiller les vraies valeurs de la vie. Il est temps d'ouvrir les yeux. Cette alchimie permettra aux futurs hommes de changer le monde, et de créer une autre civilisation universelle, qui n'aura pour but que la construction et le bien-être de la planète. Quand les trois règnes se seront unifiés, et vibreront à la même note, alors la Terre aura parfait son évolution universelle, elle servira d'énergie catalytique à la création d'autres mondes. Actuellement, les hommes freinent l'évolution de l'univers tout entier. Ils l'empêchent de passer à une autre évolution inconditionnelle. C'est une conscience universelle, que nous devons avoir et non plus personnelle. Les temps sont là, pour nous aider à cette poussée verticale. Pour éviter le danger de brûler il faut se purifier, se discipliner, transmuer sa nature inférieure triple, c'est-à-dire nos trois corps. Physique, par la nourriture naturelle éthérique, par nos pensées astrales, par nos émotions. Deux, il faut développer la connaissance de soi pour nourrir son corps mental, et construire son corps causal par de bonnes actions et de bonnes pensées. 3. Il faut servir dans un esprit d'abnégation complète, c'est le don de soi. Ce faisant, l'homme satisfait à la loi cosmique. En changeant de fréquence, il remplit les conditions nécessaires au changement, et minimise le danger qui accompagne l'éveil du feu. Sans cela, il pourra peut-être, par ses efforts, éveiller les feux et intensifier l'action de ses centres. Il paiera le prix de son ignorance par la destruction de la matière, brûlant les tissus de son corps et de son cerveau. Il pourra devenir fou et ouvrir la porte à des courants et des forces indésirables, destructeurs. Ce n'est pas être lâche que d'agir avec précaution, c'est ce qu'on appelle avoir du discernement. La peur de changer lorsque l'on doit changer quelque chose d'important dans sa vie, on a toujours peur. Cela paraît impensable aujourd'hui, mais tout peut être différent et bien. Pourquoi voir que c'est impossible ? On se trouve face à l'inconnu bien sûr, car il oblige à se remettre en question. Pourtant, c'est là que tout devient captivant. C'est une question de volonté. C'est à partir de là que nous pouvons faire un retour dans le passé. Qui nous en empêche ? Nous. Tout simplement. Personne d'autre. Il suffit de décider quelque chose dans le sens de notre évolution et de notre bien-être sur Terre, et tout se met en place pour sa réalisation. Il ne faut pas décider égoïstement, sinon la réalisation ne dure pas, elle est illusoire et nous empêche d'obtenir mieux. Ne nous acharnons pas à amasser du matériel dans le sens de la possession, mais utilisons le matériel pour faciliter la vie terrestre. Amassons plutôt les connaissances de la vie, du tout, du pourquoi, du comment. Elles serviront dans cette vie et pour les prochaines. Il faut faire grandir notre âme, c'est là, la vraie richesse qui nous amènera l'absolu et non le matériel qui, de toute manière, ne nous servira pas dans notre vie céleste. Quand l'homme aura compris cette simple loi, il sera plus heureux sur terre. Il ne vivra plus pour le rendement, la quantité plutôt que la qualité, toutes choses qui le font passer à côté de choses plus simples et plus vivables. Il ne travaille que pour l'argent et non pour l'évolution. L'argent n'achète pas la joie et la plénitude, ses plaisirs sont éphémères. Les gens qui ont de l'argent ne font confiance à personne, et attirent les indésirables. Ils ne sont pas forcément heureux. L'homme, tel qu'il est actuellement, n'est qu'un destructeur, un assassin de la terre et de l'univers. Nous sommes tous responsables. Vous, parce que vous ne voulez pas que l'on pense du mal de vous, et laissez faire n'importe quoi. Vous, parce que vous avez peur. Vous, parce que vous avez un poste important, et que vous craignez de le perdre. Vous, qui gagnez beaucoup d'argent que vous dépensez en futilité. Vous qui tuez nos jeunes avec la drogue et la prostitution. Mais, avez-vous un peu pensé à votre âme et à votre vie dans l'autre monde? Quand cesserez-vous de travailler pour les forces destructrices? Quand allez-vous vous décider à travailler pour les forces constructrices qui vous apportent joie, amour, force, plénitude et évolution indispensable? S'affirmer, c'est la force de notre homme intérieur, qui nous apporte l'affirmation. Osez demander et faire, sans avoir peur, ce que l'on veut faire. C'est aussi votre protecteur. C'est la nature profonde de cet homme que vous devez exprimer et affirmer dans votre vie, dans vos relations avec les autres. L'échange avec les autres est important. Pour ma part, quand je donne à la nature me donne ses fruits en paiement de mes soins. Tout est échange, c'est la loi divine. À cause de son orgueil, l'homme s'est toujours comporté comme un enfant. Il a créé un rapport de force contre lui-même. Tout au long des siècles, il a cherché la confrontation avec d'autres hommes. Les guerres n'ont eu de cesse pour prouver un je ne sais quoi. Par cette manière d'agir, il a peut-être cru prouver sa force et la portée de son intelligence. Quand on dit que l'on peut faire autrement, on s'entend répondre, ça a toujours existé. Mais non. L'homme a perdu le sens des réalités, quand il a perdu son féminin intérieur, quand il n'a plus fait appel à son intuition, quand il a voulu se tenir au-dessus de la femme, alors qu'ils sont égaux et complémentaires. L'homme doit maintenant percer les différentes couches, qui le séparent de sa femme intérieure. Il doit renouer avec elle et ainsi retrouver sensibilité et humilité. La femme, elle, doit retrouver sa force intérieure. Les guerres, les maladies connues et nouvelles, l'état actuel des finances et des hommes, politique et toute cette folie du non-respect de notre planète, nous montrent bien que la lumière, est sur Terre pour remédier à tout cela. La folie des hommes s'accélère, et les dégâts des éléments le prouvent. L'évolution de l'homme va permettre de percer les grégores destructeurs de l'aura de la Terre. Dans cette mémoire du bas astral, sont inscrits tous les événements de l'esprit destructeur de l'homme, ainsi que celles des personnes mortes dans des conditions effroyables. Elles peuvent agir sur le comportement des personnes sur Terre. Elles peuvent les amener à amplifier leurs défauts sur Terre. Elles peuvent leur faire accomplir de mauvaises actions, et recommencer encore et encore les mêmes erreurs. C'est comme cela que l'on peut comprendre les personnes qui tuent subitement sans raison apparente. Seules les personnes qui ne veulent pas changer, ont beaucoup de risques d'être adombrées par les pensées destructrices du bas astral. L'évolution de l'homme arrêtera cette spirale infernale. Il faut qu'en nous le véritable être ressuscite. La résurrection, c'est l'homme qui sort de ses propres ténèbres pour utiliser le savoir acquis depuis des millénaires, pour recevoir une connaissance autre, celle de toute une civilisation. Les énergies du Créateur qui pénètrent en douceur dans le corps de l'âme, et l'éveillent pour recevoir une nouvelle nourriture pour sa croissance évolutive et une hauteur de vue, tel l'aigle. Cet éveil permet la dynamisation du chakra du cœur pour œuvrer avec amour sur l'humanité. Le channeling, actuellement beaucoup de personnes vivent des ouvertures de conscience plus ou moins forcées, et se mettent en contact avec la fréquence de leur plan d'évolution. Les messages qu'ils reçoivent sont pour leur propre évolution, et leur âme leur indique quoi faire. Il faut comprendre et éviter d'être dans l'orgueil spirituel. Si vous êtes encore dans la dualité, les réponses sont là pour vous réconforter dans le mal-être ou, si vous refusez de comprendre, dans votre illusion. Donc, soyez prudent. Soyez des chercheurs de vérité en vous remettant toujours en question. Tant que la personne n'a pas pris la lumière, elle reste dans son illusion. Si vous voulez que les effets de la mondialisation économique n'existent pas, ne les nourrissez pas de vos luttes, de vos paroles et de vos pensées. Concentrez ces forces en vous pour vous changer, au lieu de les disperser, parce qu'elles se nourrissent de votre destruction. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'essentiel, la substantialité de cet ouvrage, nécessite une mise en pratique pour effacer nos faux plis, afin d'atteindre et de maintenir un état d'esprit tourné vers l'évolution, que l'on peut caractériser aussi, par une conscience tournée vers le tout, comme si l'on donnait son esprit au tout. Par magie alors, et seulement dans ce cas, vous recevrez tous les éléments à incarner pour grandir au fur et à mesure, et cela s'accomplira quand vous agirez selon ces éléments, dans votre vie de tous les jours. L'application de cette dernière phase assure la construction solide de l'âme et du corps en harmonie avec la terre et le ciel. Marie-Thérèse Castano est un chercheur infatigable. Elle possède un savoir inné dans plusieurs domaines de la vie. Elle dispose d'un remarquable sens de l'observation, doublé d'une insatiable curiosité. Depuis sa tendre enfance, elle est attirée par les mystères de l'Égypte ancienne. Dès qu'elle a pu le faire, elle s'est rendue sur place. C'est en visitant les temples sacrés que ses connaissances ont ressurgi, chaque dessin vibrant et les lui donnait sa signification précise. C'est ainsi qu'elle a décrypté les hiéroglyphes. Marie-Thérèse interroge la mémoire universelle et écoute la réponse qui arrive de différentes manières. Elle connaît la direction générale de sa vie et avance pas à pas sur le chemin. Pour choisir le rythme et le sens à prendre, elle tient compte des événements de sa vie. Afin de poursuivre ses recherches dans les meilleures conditions possibles, elle s'est entourée d'amis et a monté une ferme expérimentale dans les collines de la Drôme provençale. Elle travaille à sa manière et suit son intuition. Par exemple, si elle est attirée vers un endroit précis autour de sa maison, elle sort pieds nus, ses baguettes de cuivre à la main. Elle marque un point sur le sol avec son pied droit et ses deux amplificateurs métalliques, puis un autre et encore un autre. Petit à petit, un dessin parfait apparaît. Il peut être minuscule ou s'étendre sur plusieurs mètres. Elle ne sait jamais à l'avance ce qui s'imposera au sol. Parfois, elle le devine pendant la réalisation. Ensuite, elle cherchera dans des ouvrages spécialisés ce qu'elle a inscrit sur le sol. Bien souvent, il s'agit d'un symbole ancestral universel. Maïté ramène une mémoire du passé, dans le présent, pour le futur. Ce qui est écrit dans le présent ouvrage, constitue une infime partie de ses travaux. Maïté a aussi développé des connaissances touchant l'astrologie, le chamanisme, la science des ondes de forme, mises en pratique dans l'agriculture naturelle, l'élevage, l'architecture, l'art en général et la préservation de l'environnement. Elle s'est beaucoup penchée sur l'alimentation saine, condition primordiale à l'évolution de l'homme. Son travail acharné apporte des solutions à de graves problèmes de notre époque, déséquilibre, pollution, famine. Ainsi, Maïté est au service de l'humanité entière. Maïté est un récepteur-émetteur. À chaque instant, elle capte les données du ciel et de la terre et répond à l'appel. Marie-Thérèse Castano a les pieds sur terre, et cela se manifeste à travers son rôle de grand-mère, d'agricultrice, de peintre, de musicienne et de créatrice. Éditrice.